إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 17e et la dernière leçon, inshallah. Ce sujet de l'imitation d'un savant, savoir le taqlid, ou la conformité à un madhhab, le tamadhhab, a un rapport avec un autre sujet, à savoir la question des licences, de ce qu'on appelle ar-rukhas, le fait de suivre les licences des savants. Quand par exemple j'interroge un savant sur une chose, sur un problème que j'ai, et qu'il me dit c'est interdit, il donne le hukm. Et que je demande à un autre, il me dit c'est permis, je suis la licence du deuxième. Et j'ai peur que certains ne se servent du taqlid et du madhhabisme, et plus particulièrement le suivre aveuglément un savant hanafite ou le madhhab hanafite, et ne l'impose pour se permettre certaines choses, pour se dispenser de certaines obligations religieuses, pour trouver l'astuce pour se libérer de certains devoirs. Surtout aujourd'hui, avec le développement des moyens de communication, de l'internet, des chaînes satellites, on clique sur le site internet qu'on veut, on zappe comme on veut, sur la télécommande, et on change, comme on change de clip vidéo ou d'émission ou de film, on change aussi les chouyours. Dès qu'un cheikh ne nous plaît pas, bon, un simple mouvement du doigt, il disparaît. Oh, il est dur ce cheikh. Oh là là, on n'entend que haram, haram, haram. On n'entend jamais halal. Il interdit tout, lui. Subhanallah, comme si c'était lui qui légifère. Puis là, il zappe, puis il tombe sur un autre. Ah, celui-là, il coule, hein, il dispense les licences. Normalement, ce n'est pas la religion d'Allah qu'ils suivent, mais c'est la passion et l'humeur. Ils pensent qu'en remettant l'affaire à un mufti, ils se libèrent du devoir qui leur incombe et ils n'encourent rien, ni blâme, ni reproche, ni châtiment de la part d'Allah. Pour s'autoriser quelque chose d'interdit, ils demandent à un savant qui dispense les licences, ils leur donnent la licence. Ça y est, ils considèrent le mufti comme un obstacle qui va s'interposer entre eux et l'enfer. Et comme ils disent, celui qui suit un savant rencontrera Allah hors de tout reproche. Man qallada aliman laqiya Allah saliman. Ah, il raconte ce hadith-là, il le répète toujours. C'est un hadith maudou'a, inventé de toutes pièces. Il n'a ni chaîne ni... Écoutez, chers frères et chères sœurs, il est du devoir de tout musulman de s'intéresser à sa religion, de veiller à ce que sa croyance, à ce que son dogme, à ce que son cœur soit saint et pur, de se maintenir sur la voie d'Allah, parce que c'est une question de paradis ou d'enfer. Les versets et les hadiths qui vont dans ce sens sont nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Al-Imran, « Ô vous qui croyez, craignez Allah d'une crainte véritable et ne mourrez surtout pas autrement qu'en étant soumis, qu'en étant musulman. Hein? اتقوا الله الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sachez que dans les questions qui font l'objet de divergences entre les savants, la vérité est une. Et j'entends par divergence ici la divergence où les avis sont diamétralement opposés. C'est ce qu'on appelle khilaf at-tadad. Khilaf tadad, c'est-à-dire que tel mufti dit sur une affaire déterminée c'est illicite et sur... Et un autre, il dit c'est licite, ou l'un dit c'est permis et l'autre dit ce n'est pas permis, ou un mufti ou un faqih dit c'est obligatoire et l'autre dit c'est licite. La vérité, sachez que la vérité chez Allah, est une. Quoi que les gens te disent ou t'apportent la fatwa qu'ils veulent, le jugement auprès d'Allah est stable. La fatwa du mufti ne modifie pas le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que doit faire le musulman? Il doit chercher le jugement juste. Il doit chercher la vérité. Vous allez dire le musulman ordinaire est incapable de comprendre les arguments scripturaires, le mode d'argumentation, etc. Nous disons le monsieur tout le monde est capable de chercher le savant qui est digne de la fatwa, qui mérite qu'on revienne à lui, un savant connu pour son savoir, sa piété. Et là, si tu lui demandes et qu'il se trompe, tu es pardonné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu as fait ce que tu devais faire. Et lui aussi, il est pardonné pour son ijtihad, comme le prouve le hadith, le mujtahid qui tombe juste à double récompense et celui qui se trompe, récompense simple. Le problème se pose quand on interroge quelqu'un qui n'est pas qualifié pour donner des fatwas, ou quelqu'un qui est connu pour sa distribution des licences et des tolérances. Il n'y a que c'est permis dans son langage. Quelqu'un qui sait déjà que lorsqu'il va l'interroger, il va lui donner une réponse conforme à sa passion et à son désir. Sachez que le fait de suivre les tolérances et les licences des savants peut conduire l'homme à se dépouiller carrément de la religion. Allah a prescrit deux lois, n'est-ce pas? Il nous a recommandé de s'y conformer. Il nous a instruits à les accomplir, à les appliquer dans la réalité, dans notre vie quotidienne, pour des raisons sages, n'est-ce pas? Les lois d'Allah recèlent des sagesses sublimes. En suivant les licences, qu'est-ce qui se passe? Nous sortons de ces sagesses, nous sortons de ces hikmah rabbaniyah. Nous sortons de ces sagesses pour lesquelles Allah a institué les statuts, les règles et les lois. Suivez bien. La religion islamique, la charia, dans sa globalité, a été révélée et instituée en opposition avec la passion, en opposition avec le hawa, hawa nafs. Si tu n'arrives pas à savoir si tel acte est en accord avec la religion ou non, tu ne connais pas son hukm. Regarde ta passion. Si elle tend vers une voie, généralement le hukm de la charia, le hukm de la loi, est dans un sens opposé. Pourquoi? La religion a été, suivez-moi, la religion a été révélée pour libérer l'assujetti, pour libérer l'être humain du joug de la passion, pour le libérer de l'adoration de sa propre âme et de l'adoration de Satan, et le mener à adorer Allah, le Seigneur de l'univers. La religion a été instituée pour faire sortir l'homme des ténèbres de la passion à la lumière de la conformité à la voie d'Allah. Et c'est celle-là la vraie liberté. La passion peut être une divinité en dehors d'Allah, peut être une divinité adorée, elle peut même devenir une idole adorée en dehors d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Furqan. Il a dit: N'as-tu pas vu celui qui prend sa passion pour une divinité? Serais-tu disposé à en être le garant? Il a dit aussi, il s'adresse à son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: S'ils ne répondent pas à ton appel, sache alors qu'ils ne font que céder à leur passion. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Qasas, s'ils ne répondent pas à ton appel, sache alors qu'ils ne font que céder à leur passion. Or, qui est plus égaré que celui qui se laisse dominer par ses passions sans être guidé par Allah? Remarquez, chers frères, l'opposition entre le fait de suivre l'envoyé et le fait de suivre ses passions. Allah, il a mis en parallèle les deux, la passion et la voix de son envoyé. Il a dit dans Sourate Al-Ma'ida: Wa anihkum bainahum bima anzal Allah wa la tattabi' ahwa'ahum. Juge entre eux d'après ce qu'Allah a fait descendre ou d'après ce qu'Allah t'a révélé et ne suis pas leur passion. Il y a donc le jugement d'Allah et à l'opposé, qu'est-ce qu'il y a? La passion. Suivre les tolérances et les licences peut conduire le serviteur à se dispenser des obligations religieuses. L'homme qui suit les licences, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche dans chaque mas'ala, dans chaque affaire, le hukm le plus tolérant, le plus léger, le plus facile. Qu'est-ce qui est facile à faire? Quelle est la fatwa qui lui autorise un acte interdit? Et il continue à accumuler les licences jusqu'à se dispenser complètement des devoirs religieux. Par exemple, quelqu'un prend la licence d'un savant que les chants accompagnés de musique, mousiqa, que les chants accompagnés de musique sont licites. Il y a Ibn Hazm et Abu Hamid al-Ghazali, d'autres, ils l'autorisent. Mais c'est une erreur. C'est un avis qui n'est pas solide. Voilà une licence. Puis là, la question de la awra, par exemple, de la nudité, à savoir les parties du corps que la religion considère qu'il est indécent de montrer, ce qu'on appelle la awra, il va trouver une licence que la cuisse de l'homme n'est pas une awra, qu'on peut la dévoiler. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se balader en short dans la rue. Et puis là, un autre savant, va lui autoriser la cigarette. De fumer. Bon, il y a même des pseudo-savants en Égypte qui ont autorisé de fumer le jour du Ramadan. Ils disent cela ne rompt pas le jeûne et ça date pas de longtemps, hein. Ça a fait une polémique en Égypte. Il a sorti des preuves, hein. Il a sorti enfin, des arguties fallacieuses, des choubouettes, comme quoi la fumée n'est pas un corps, c'est de l'air, ça passe par les poumons. Voilà, il prend cette roukhsa, cette personne. Il dit, bon, c'est halal de fumer. Bon, la question de la barbe. Bon, un savant va lui autoriser de la raser complètement. La barbe est juste une sunna, il va lui dire. Et question, par exemple, de la drogue. L'herbe qui se trouve au Yémen, ce qu'on appelle le qat. Vous connaissez le qat? C'est de la drogue. Il y a des savants au Yémen qui l'autorisent. Bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mâcher cette herbe-là. Bon, c'est de la drogue. La prière en commun, c'est un devoir d'obligation stricte pour l'homme. Là, il va trouver une licence chez un moufti, qui lui dispense de la salat al-jama'a. Et il va trouver un autre moufti qui lui autorise le mariage temporaire, nikah al-mut'a, qui est chez les chiites. Ainsi, il se mettra d'accord avec une fille qui lui plaît et va l'épouser pour une demi-journée ou le week-end, surtout le week-end, hein, ou la période, les congés. Le week-end, parce que le lundi, il va travailler, donc le délai se termine le lundi. Il faut qu'il s'amuse, hein. Et puis, bon, il va trouver d'autres fatwas, il va chercher la fatwa des gens de l'Koufa qui autorisent le vin. Qui est extrait des dattes parce que, à une certaine époque, dans le premier siècle, certains savants de Koufa en Irak autorisent le vin extrait des dattes, nabid, c'est ce qu'on appelle nabid. Il va bien se saouler avec le vin extrait des dattes. Il ne va pas boire le vin extrait du raisin, c'est haram, mais il va boire le vin extrait des dattes parce qu'il a une roukhsa pour ça. Et il va consommer le nabid. C'est très intéressant les rochas des savants. Bon, les transactions à base d'usure, riba. Et il va chercher une licence chez un savant. Il est déjà prêt. Puis il va adopter l'avis qui autorise aussi la vente du vin ou de la drogue ou d'autres poisons aux non-musulmans parce qu'il y a des fatwas qui existent. Alors qu'il est interdit formellement de vendre quelque chose de toxique ou de la drogue, que ce soit un musulman ou un non-musulman, sous n'importe quel prétexte, il est interdit de le faire. Mais lui, il va chercher cette licence. Et il va réunir des fortunes avec ce commerce haram, ce commerce illicite. Que pensez-vous de cet homme? Un vrai musulman, n'est-ce pas? Il se balade en short avec un baladeur CD où il écoute la pop musique. Et une femme avec qui il a fait soi-disant le nikah al-mut'a, hein? Et il va consommer de l'herbe, il va le vendre. Que pensez-vous de cet homme? Un musulman, un vrai musulman, hein? Ou c'est plutôt un vrai pervers? Et ces fatwas, sachez, chers frères, qu'ils ne lui serviront rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait qu'adorer sa passion. Il n'a pas adoré Allah, il a adoré sa passion et son shaitan. Il se plie au désir de son âme Oui, un vrai pervers, fasiq. L'imam Ahmed et Yahya ibn Sa'id al-Qattan le qualifient de pervers. L'imam Ahmed a dit, si un homme suit toute licence, il suit l'avis de certains savants de Médine sur l'autorisation du sama', à savoir le chant de tambourin. Il suit l'avis des gens d'Al-Koufa dans l'autorisation du vin tiré des dattes et la licence des gens de la Mecque qui permettent le mariage temporaire, il sera un pervers. قال لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل المدينة في السماع يعني الغناء وبقول أهل الكوفة في النبيذ وبقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقا. Ça, vous le trouvez dans le Moussawada de Al-Taymiyyah. Le Moussawada a été écrit par la famille d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, son père et son grand-père. Ibn Abd al-Barr al-Maliki, de même qu'Ibn Hazm et al-Baji et Ibn Salah, ils ont dit même qu'il y a unanimité des savants sur l'interdiction de suivre les licences des savants. Ijma', de ne pas suivre rukhas al-ulama. Et ça, c'est cité dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih. Les quatre imams et la plupart des pieux prédécesseurs jugent qu'il est interdit de suivre Rukhas, comme le cite l'allama Zarkashi, l'imam Shafi'i, qui est mort en 794 de l'Hijr dans son livre Al-Bahar al-Muhit. L'imam Zarkashi, il rapporte ses propos de Ismail al-Qadi al-Maliki. L'imam Zarkashi, il rapporte le propos suivant que je vais citer. Il dit, Al-Qadi al-Maliki, qu'est-ce qu'il raconte? Al-Qadi al-Maliki, c'est un savant du 3e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire qu'il est né vers 282 de l'Hégire. Al-Qadi al-Maliki, il a dit, je suis entré chez Al-Mu'tadid. Al-Mu'tadid, c'est le calife Abbaside. C'est le fils d'Al-Muwaffaq Billah, le fils d'Al-Mutawakkil. C'est un calife Abbaside. Alors, Al-Qadi al-Maliki, il est entré chez lui. Et il trouva, et le Mu'tadid lui tendit un livre. Et il a dit, je l'ai examiné, l'Al-Qadi al-Maliki qui parle. Il dit, je l'ai examiné et j'ai constaté qu'il comporte des licences dues à des erreurs des savants. Il les raconte, li dakhaltu ala al-Mu'tadid, fadafa'a ilayya kitaban, nazartu fihi wa qad jama'a fihi al-rukhas min zilal al-ulama, wa mahtajja bihi kullum minhum. Dit, je l'ai examiné, j'ai constaté qu'il comporte des licences dues à des erreurs des savants et les arguments de chacun. Faqultu inna musannif hadha zindiq. Al-Qadi al-Malik. Il a dit, l'auteur de ce livre est un hérétique et un pervers. Faqal al-Mu'tadid. Le calife a dit, lam tasihha hadhi al-ahadith. Il a dit, ces hadiths ne sont-ils pas authentiques? Faqultu al-ahadith ala ma rouyat. L'authenticité des hadiths dépend de la fiabilité de leur rapporteur. Walakin man abah al-muskar lam yubih al-mut'a. Mais celui qui a autorisé la boisson enivrante n'a pas autorisé le mariage temporaire. Wa man abah al-mut'a lam yubih al-muskar. Et celui qui a autorisé le mariage temporaire n'a pas autorisé la boisson enivrante. وما من عالم إلا وله زلة. Il n'y a pas de savant qui n'ait pas commis d'erreur. ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. Il a dit, or celui qui réunit, qui réunit les erreurs des savants et agit en fonction d'elles, il perd sa religion, il perd carrément sa religion. ذهب دينه. Le Mu'tadid alors ordonna de brûler ce livre. Cette tradition se trouve dans le Bahr al-Muhit de l'imam Zarkashi. Bon, sachez que les imams ne sont pas infaillibles. Il ne faut pas exploiter leurs erreurs pour un intérêt personnel. D'ailleurs, nos pieux prédécesseurs ont mis en garde contre l'erreur des savants. Omar ibn Khattab, il l'a dit dans une tradition. Thalathun yahdimna ad-din, zallatul alim wa jidalul munafiq bil Qur'an wa a'immatun mudillun. Il a dit trois choses détruisent la religion. La glissade, l'erreur du savant et le fait que l'hypocrite controverse au sujet du Coran et les imams corrupteurs. Il a dit trois choses détruisent la religion. L'imam al-Awza'i, vous savez que l'imam al-Awza'i est le fondateur d'un madhhab. Il a dit celui qui adopte les avis bizarres des savants sort de l'islam. Suleyman Taimi a dit si tu prends la licence de chaque savant, tout le mal se réunira en toi. Si tu prends la licence de chaque savant, tout le mal se réunira en toi. Il ne faut pas se jouer de la religion de cette manière. Et cela, non seulement les gens du commun qui font ce genre de choses, mais aussi les savants. Comme par exemple le cas d'un homme, histoire d'un homme riche, cet homme a un grand palais, et ce palais donne vue sur un asile psychiatrique. Un vrai riche qui a un palais, et là, quand il regarde la fenêtre de chez lui, il regarde cet asile psychiatrique. Et ça le gêne de voir cet hôpital avec les fous qui sont à l'intérieur. Et cet hôpital est en fait un waqf. Vous savez ce que ça veut dire un waqf? Waqf, c'est un fonds immobilisé et dont les revenus sont affectés à des œuvres de bienfaisance. Comme par exemple la mosquée et les waqf. C'est un waqf. C'est le fo Vous savez que le fonds, une fois immobilisé, ne devra pas être vendu, ni donné, ni transmis par héritage. Ça, ce sont les règles du waqf. Des fonds immobilisés, c'est compris? Ce waqf est un hôpital. C'est bon? L'œuvre de bienfaisance, c'est quoi? C'est l'hébergement et l'entretien des fous qui sont à l'intérieur. Cet homme riche a exposé la question aux fuqaha de ce pays, qui suit le madhhab malikite. Ils lui ont donné la fatwa selon le madhhab de l'imam Malik, à savoir que le fonds immobilier et les terrains qui sont constitués au waqf ne doivent pas être déplacés. L'imam Malik interdit de déplacer le waqf. Et là, un faqih est intervenu et a dit: Ah, les savants orientaux soutiennent qu'il est permis de déplacer le waqf. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu se rapprocher de cet homme riche par une fatwa qu'au fond de lui-même, il ne la considère pas conforme à la religion. Et il a contredit les savants de son pays, il a contredit même les dalils, les preuves, rien que pour se rapprocher. Et bien sûr, cet homme riche, il l'a comblé, il l'a. Sallallahu alayhi wa sallam. Les gens se contredisent avec eux-mêmes déjà. Quand quelque chose les arrange, ne touche pas leurs intérêts, ils le prennent. Comme par exemple le fait de passer les mains sur des chaussettes déchirées lors des ablutions. Ils disent: Oh, le grand savant l'autorise, Cheikh Al-Uthaymeen, il l'autorise. Mais quand il s'agit de faire une opération à base d'usure comme Ar-Riba, ou d'acheter une maison par intérêt, là, ils oublient l'Uthaymeen et ils cherchent un autre savant parce que ça ne les arrange pas. En suivant les tolérances des savants, on peut se dégager de l'ijma, on peut contredire le consensus de tous les savants. Si jamais on suit tous les rochas, on peut carrément casser l'ijma. Imaginez quelqu'un qui suit un avis des savants qui dit que les ablutions, que dans les ablutions, il faut se contenter de passer les mains mouillées sur les pieds nus. Parce qu'il y a les chiites le font, mais certains sunnites le aussi. Bien que l'argument n'est pas solide, bien sûr, il prend lui l'avis de ce savant-là, qui consiste à dire qu'on peut se contenter de passer les mains mouillées, le masah, sur les pieds nus et non pas sur le jawarib, sur les chaussettes ou sur les chaussures. Et là, il va suivre un autre savant, c'est-à-dire sur la question du passage des mains sur la tête. Et au lieu de passer ses mains sur sa tête complètement, il va se contenter de toucher trois cheveux dans sa tête. Il prend l'avis des Shafi'ites, trois cheveux. Puis il considère que le fait de rire aux éclats n'annule pas les ablutions, conformément au madhhab malikite. Et c'est l'avis qui est juste. Il n'annule pas les ablutions, mais contrairement au madhhab hanafite. D'accord. S'il fait tout ça, il fait tout ça, il prend de chaque madhhab, il ressort un truc comme ça, et il va prier. Sa prière est invalide selon tous les madhhab. Selon tous les madhhab, elle est invalide. Passons maintenant aux excuses, aux arguties, aux choubouhats de ceux qui suivent les licences et les tolérances. Bon, ils disent, écoutez, Allah a dit, يقول الله جل وعلا dans sourate الحج الله ne vous a pas imposé de jeûne dans votre religion. ما جعل عليكم في الدين من حرج. Allah ne nous a pas astreint des obligations gênantes. Et ils disent aussi, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. C'est en plus un hadith rapporté par le Bukhari muslim. Bon, comment répondre à ces choubouhats-là? C'est certes, la charia se fonde sur la facilité, ça c'est clair. Elle se fonde sur la facilité, la simplicité, sur la tolérance. C'est une législation rendue aisée par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? D'accord? Mais cette facilité est gérée par la religion et non pas par les désirs personnels et la passion. La facilité de la loi ne signifie pas que tu légifères pour toi-même et que tu choisisses les avis et les statuts selon tes désirs, que tu joues des lois d'Allah à ta guise, tu prends ce que tu veux, tu jettes ce que tu veux. La facilité de la religion signifie qu'Allah ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas la capa ce que nous n'avons pas la capacité de faire. Dans les situations de gêne et de difficulté, Allah nous rend la tâche facile et allège pour nous les obligations, comme par exemple quand tu es en voyage pendant le mois de Ramadan, tu as le droit de manger. La prière à 4 raka'a se raccourcit, elle devient à 2 raka'a. Celui qui est incapable de prier debout, il prie assis. S'il est incapable de prier assis, il prie allongé ou sur le côté. S'il a mal aux yeux et qu'un ophtalmologue intègre lui dit que la prosternation nuit à ses yeux ou aggrave sa maladie, la religion lui permet de ne pas se prosterner, de faire juste un geste par la tête ou le corps. S'il n'a pas les moyens, il est incapable physiquement de faire, par exemple, de faire le pèlerinage, il en est dispensé. C'est celle-là la facilité de la religion. Une religion dont la facilité obéit à des critères légaux. Mais comprendre par la facilité de la religion qu'on peut jouer avec les lois d'Allah à notre guise et qu'on peut choisir parmi les avis des savants, les avis étranges et erronés, et on adopte comme avis on adopte ces avis comme un acte qui nous rapproche d'Allah, comme un acte d'adoration ou comme un acte légal. Non, ce n'est pas vrai. C'est interdit. La difficulté et les peines qui sont prises en considération sont les difficultés et les peines qui sont déterminées par la religion. Ce sont celles-là dont résulte la facilité. Ce sont celles-là qui attirent la facilité et la tolérance. D'où la règle, qaïd al-fiqhiyya, qui dit al-mashaqqatu tajlibu taysir. La peine attire la facilité. Qaïda. Quant à la peine qui contredit la passion, c'est une peine qui n'est pas prise en considération. Quelqu'un qui nous dit, oh, écoutez, moi ça ne m'arrange pas de me réveiller pour la prière de l'aube, c'est difficile. Cette difficulté, bien sûr, n'est pas prise en compte par la religion. Et il faut qu'il fasse effort sur lui-même et se réveille. Ou il dit, oh, il m'est pénible de faire les ablutions chaque fois. L'eau me gêne, je vais faire juste le tayammum. Alors qu'il est en bonne santé, on dit non. Cette difficulté n'est pas prise en considération religieusement. Tu dois faire tes ablutions avec l'eau. Puisque l'eau existe et tu es en bonne santé, c'est bon. Tu ne fais pas le tayammum. Ou il dit, il m'est pénible de jeûner à midi, j'ai faim. C'est pénible. Non, non, non, non, non. La faim n'est pas une excuse. Si la personne est malade ou âgée, le cas de la femme enceinte, la femme qui allaite, d'accord, il leur est pénible de jeûner, dans ce cas, oui, ils peuvent manger. Mais le fait d'avoir faim comme tout le monde, non, non, non, non. Donc c'est cela le critère de la difficulté. Une autre chouba, ils disent, écoute, pourquoi toutes ces histoires et ces complications? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ummati rahma, la divergence au sein de ma communauté est une miséricorde. Il n'a pas dit que la divergence entre les savants de ma communauté est miséricorde. D'abord, ce hadith n'est même pas un hadith. Ce hadith n'a ni tête ni queue. Je ne dis pas que c'est un hadith faible, parce qu'au moins le hadith faible, il traîne avec lui une chaîne de rapporteurs. Il y a quand même des rapporteurs. Mais là, ce n'est même pas un hadith. C'est ce que les savants muhadithines disent. La asla lahu. Il n'a pas de chaîne de rapporteurs. Les savants du hadith ont galéré pour trouver ne serait-ce qu'une seule chaîne de rapporteurs. Même une chaîne de rapporteurs non fiable. Mais ils ne l'ont pas trouvée. Comme le rapporte l'imam al-Munawi de l'imam al-Subki. Il rapporte de l'imam al-Subki. Sa parole, ce hadith n'est pas connu des muhadithines. Il est même Suyuti dans le Jami' al-Saghir. Il est aussi, et Zakaria al-Ansari dans son commentaire sur l'exégèse d'Al-Baydawi, et le Cheikh Al-Albani aussi, voir si c'est le hadith d'Aïfa. Donc ce hadith n'est pas authentique. Mais quand même, soyons justes et équitables. Certains pieux prédécesseurs, comme Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq, c'est un faqih, et Omar ibn Abd al-Aziz, le calife bien guidé, ils avaient dit que la divergence entre les compagnons est miséricorde. Il y a donc divergence et divergence, ikhtilaf et ikhtilaf. D'accord? Comme a dit l'imam Shafi'i dans Risala. L'imam Shafi'i, il a détaillé ce point-là dans son livre des Usul al-Fiqh Risala. Il a dit, il y a la divergence qui est miséricorde et la divergence interdite. Il a dit à propos de la divergence interdite, il a dit, toute question à laquelle Allah a assigné un argument sous forme de prescription textuelle explicite, soit dans son livre, soit dans une sunna exprimée par la bouche de son prophète, la divergence à leur sujet ne saurait être licite pour toute personne qui en a connaissance. C'est bon? Et il a donné les preuves de ce qu'il a avancé, à savoir la parole d'Allah. Les gens du livre ne divergèrent qu'après que la preuve leur fut parvenue. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dans Sourate Al-Bayyinah. Et il a argué aussi de la parole d'Allah. Et ne soyez pas comme ceux qui se divisèrent et divergèrent au sujet de la vérité après que les preuves leur furent parvenues. Sourate Al-Imran. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ. Allah a blâmé l'ikhtilaf dans les questions où les preuves claires sont établies. Je termine la parole de l'imam Shafi'i. Il a dit Allah a blâmé l'ikhtilaf dans les questions où les preuves claires sont établies. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire l'imam Shafi'i? Il a dit ceux qui sont divisés, se sont divisés et ont divergé après que les preuves évidentes leur sont parvenues, ceux-là sont blâmés. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis des injustices et des transgressions. Mais ceux qui ont fait des efforts pour connaître la vérité et ont divergé à cause de ça, ils ne sont pas blâmés. Et on considère cette divergence comme une miséricorde. Et c'est cette divergence qui existait entre les compagnons, radiallahu anhu. La divergence entre les compagnons est miséricorde. Parce qu'ils étaient sur une voie saine et tolérante. Ils ont ouvert la porte de l'ijtihad. Ils ont permis à leurs successeurs de faire des efforts d'initiative personnelle et d'essayer de déduire les hukm. Et s'il y a divergence, ils ne doivent pas se gêner. C'est ça la miséricorde qui réside dans la divergence entre les compagnons. Et donc, s'il y a divergence entre les tabi'in et les autres, leurs successeurs, ils ne doivent pas se gêner. Et la menace divine qui est énoncée dans le verset « Ne soyez pas comme ceux qui se divisèrent et se divergèrent » ne s'applique pas sur eux. N'est-ce pas? Donc, imaginons qu'entre les compagnons, il n'y a pas eu d'irtilef. Imaginons ça. Qu'il n'y a aucun ikhtilaf entre les compagnons. Leurs successeurs seront dans la gêne. Ils vont faire des efforts personnels et vont tomber dans des divergences et vont être gênés à cause de cela. Cela peut même les bloquer. Et ils cesseront même de se prononcer et de donner des fatwas à cause de cela. Mais ce khilaf-là, il leur a permis, puisque les successeurs, ils disent, les compagnons sont tombés dans certaines divergences. Donc ce n'est pas grave. Ça prouve que ce khilaf-là, il est pris en considération, il est toléré. Ibn Taymiyyah donne une explication fine au khilaf, qui est miséricorde, dans Majmou' al-Fatawa, le volume 14. Il a dit, parfois la divergence de point de vue sur un hukm est miséricorde pour certaines personnes. Parce que la divergence voile le hukm. Il le voile. La divergence, bon, quand il y a khilaf, les gens du coma ou certaines personnes se disent « Oh, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le hukm parce qu'il est, il y a khilaf là-dessus. » Donc ça le voile. Et il a dit, et il se peut que l'apparition de ce hukm leur cause de la gêne et de la difficulté. Ce qui est chose qui est pénible pour eux. Il a dit cela rentre dans le contexte de la parole d'Allah. Ô vous qui croyez, ne posez pas de questions au sujet desquelles qui, si elle vous était rendue manifeste, vous causerait du tort, dans Sourate Al-Ma'ida. Ibn Taymiyyah a donné l'exemple du marché où on étale toutes sortes de produits. Il a donné un exemple. Il dit le cas du marché où on étale toutes sortes de produits, les aliments, les boissons liquides, les huiles, les vêtements, etc. Il dit, il se peut que certains produits exposés à la vente soient usurpés ou volés, mais l'acheteur n'est pas au courant. Donc, s'il achète ces produits-là, il n'encourt aucun blâme et aucun péché, parce que tous ces produits sont, en général, sont en principe tout licites. Tant qu'il ne connaît pas le hukm de ces produits, ils demeurent licites. Contrairement au cas de celui qui connaît le hukm, qui sait que cette marchandise a été volée, il n'a pas le droit de l'acheter. N'est-ce pas? Donc, l'ikhtilaf qu'on peut considérer comme misère, c'est celui-là. Et il y a aussi un autre ikhtilaf qu'on peut considérer comme une miséricorde, c'est l'ikhtilaf qui offre une diversité de points de vue, qui offre une variété. C'est ce qu'on appelle ikhtilaf tanawwu', le tanawwu'. Comme par exemple les variations qui existent entre les formules de l'adhan et de l'iqama. Vous savez qu'il y a les formules de l'adhan, il y a variation. Ibn Mahdoura, il y a l'adhan de Bilal, de Ibn Mahdoura, de Ibn Ummi Maktoum, donc l'Iqama aussi. Et chaque madhhab, il a adopté une formule précise. Les variations aussi entre les formules du tashahhud, il y a le tashahhud d'Ibn Mas'ud, d'Ibn Abbas, de Omar, de Aïcha, donc il y a toute une variété. Ça nous laisse un champ libre, ça nous laisse la voie vaste, c'est-à-dire toute une gamme de choix entre toutes ces formules-là de tashahhud et toutes ces formules d'adhan et de l'iqama. Il y a aussi divers modes d'accomplissement de la prière du danger, salat al-khawf. Il y a aussi divers invocations de l'ouverture, les ad'iyat al-istiftah. Avant, c'est-à-dire quand on fait takbirat al-ihram et qu'on fait un dua, puis on entre dans la fatiha, il y a différents dua. Différentes formules, les sept modes de récitation du Coran, le fait qu'Allah a révélé le Coran selon sept idiomes, selon sept langues, ahraf, ça donne une diversité. Le nombre de takbirat dans la prière funéraire, hein? Il y a quatre, on peut faire cinq, on peut faire six, on peut faire même sept. Et aussi dans la prière de la fête, il y a les takbirat aussi, on peut faire sept ou quatre, ça varie. Et dans le domaine par exemple de l'exégèse, dans le domaine du tafsir, quand un exégèse par exemple explique As-sirat al-mustaqim, la voie de rectitude, il l'explique par l'islam. Un autre il l'explique par le Coran. Un autre l'explique par la sunna. Un autre dit que c'est la voie de l'adoration. Donc ça, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition entre ces points de vue. Donc c'est un ikhtilaf rahma, ça te donne une variété de. Et tous ces. Toutes ces explications sont valables. Dans cet ikhtilaf, il y a variété et diversité. C'est une miséricorde parce qu'il t'offre plusieurs possibilités. Il t'élargit la voie d'Allah. Tu as le droit de prier de cette manière. Tu as le droit de prier de telle autre manière. Tu peux faire l'invocation de l'ouverture de la prière de telle manière ou de telle autre manière. C'est d'ailleurs cela qui fait la beauté de notre religion, c'est cette richesse que notre religion offre et cette diversité. Notre religion n'est pas monolithique, elle n'est pas routinière, elle n'est pas rigide. Notre religion est vivante, tolérante. Elle offre une diversité de choix. Notre religion est large, d'accord? Et on ne doit pas aussi la borner et la limiter à un madhhab et la réduire à un savant. Donc, du moment que tous ces points de vue désignent une seule vérité, ils sont acceptés. Comme les noms d'Allah. Les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, il s'appelle Rahman, Rahim, le Malik, le Quddus. Mais tous désignent une seule vérité. Lui exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala. Quant à la divergence qui est dû à l'attachement inconditionnel à un madhhab, à l'imitation servile, au culte de la personnalité, à la passion, à l'intérêt personnel, au refus catégorique de revenir sur son avis, même s'il se fonde sur des arguments vains et des hadiths faibles, voire mensongers, par la simple raison qu'il est l'avis de son imam, au refus d'adopter l'avis qui se fonde sur des preuves évidentes, cette divergence n'est pas une miséricorde. Cette divergence, au contraire, c'est un adab. Hein? C'est le khilaf adab. C'est ce khilaf qu'Allah a condamné dans le Coran et a voué ceux qui s'y livrent à l'enfer. Quand il a dit, et ne soyez pas comme ceux qui se divisèrent et divergèrent après que les preuves leur furent parvenues, ceux-là auront un châtiment terrible dans Sourate Al-Imran. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, c'est à cela aussi qu'Allah s'est adressé quand il a dit, obéissez à Allah et à son envoyé. Et ne vous disputez pas, car la dispute vous fera perdre votre courage et refroidira votre résolution. Ne obéissez à Allah et à son envoyé, et ne vous disputez pas, car la dispute fera perdre votre courage et refroidira votre volonté, votre résolution. Cette divergence qui a divisé la communauté musulmane, au point que le hanafite ne prie que derrière le hanafite, le shafi'ite ne prie que derrière le shafi'ite. Dans une seule mosquée, il y a quatre mihrab. Cette divergence est châtiment et un mal. C'est cette divergence qui a entraîné, qui a causé la colonisation de la plupart des pays musulmans et leur sous-développement d'ailleurs, et qui a bloqué l'ijtihad. C'est ce khilaf qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de sa miséricorde quand il a dit dans Sourate Hud, ils persistent dans leurs différends, à l'exception de ceux à qui ton Seigneur dispense sa miséricorde. Sourate Hud. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Et il a accepté ceux qui jouissent de sa miséricorde de ceux qui entrent dans le khilaf. Donc ce khilaf-là est condamnable. Donc la question du khilaf a besoin d'être détaillée. Il y a khilaf et khilaf. Le khilaf, il faut savoir une chose, n'est pas un argument d'autorité. Et il n'est pas une hujja. C'est-à-dire que nul n'a le droit de prendre l'ikhtilaf comme un prétexte pour s'autoriser quelque chose d'illicite ou pour interdire quelque chose de licite. Ce n'est pas une excuse. Il cherche l'avis étrange qui ne se fonde sur aucun hadith authentique ou aucune règle solide et que la plupart des savants réfutent. Et quand on lui dit Ahiswi, le dalil Swi, l'argument, il répond, oh, l'ikhtilaf est une miséricorde. Les gens du commun, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des prétextes pour justifier les péchés qu'ils commettent et pour se dispenser de certaines obligations. Et quand on leur apporte les preuves de leurs erreurs, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ikhtilaf ummati rahma. C'est bizarre, ils apprennent par cœur ce hadith. Ajib, hein? Il y a des hadiths authentiques et clairs, ils ne les apprennent pas. Et là, ils ne ratent pas un seul mot, Ikhtilaf ummati rahma. Alors que c'est un hadith inventé. Ajib. Ils argumentent, ils objectent. Et quand on leur apporte un hadith qui prouve qu'ils ont tort, un hadith clair, là ils font l'ignorant, ils jouent le muqallid. Ils jouent le muqallid servile. Ah, moi je sais pas, moi je ne sais pas, je suis pas capable de comprendre le hadith. Peut-être que c'est une métaphore. Hein? Peut-être qu'il est rapporté, c'est un hadith ahad, où il faut revenir au savant, je ne sais pas. Là il fait le bête, il fait l'idiot. Mais quand il est pour appuyer sa rukhsa, là il rapporte le hadith. Ikhtilaf ummati rahma. Il est clair. La hawla wa la quwwata illa billah. La passion, rien que la passion. Ce fléau ne date pas d'aujourd'hui. Il est ancien. Regardez ce que dit l'imam Shatibi, al-Maliki, al-Gharnati. Il est mort en 790 de l'Hijr. Ce grand savant qui est moujed d'être dans le domaine, dans la science des usul, l'auteur du Muwafaqat et de Kitab l'A'tisam, il a dit « وَقَدْ زَادَ هَذَا الْأَمْرُ عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ حَتَّى صَارَ الْخِلَافُ فِي الْمَسَائِلِ مَعْدُودًا فِي حُجَجِ الْإِبَاحَةِ » Il a dit « Cette affaire, la rukhsa, a dépassé les limites convenables, au point que la divergence de point de vue est comptée aujourd'hui, là il parle de son époque, est comptée aujourd'hui parmi les arguments de l'autorisation de la chose et qui fait l'objet C'est-à-dire il a dit au point qu'aujourd'hui, la divergence de point de vue est comptée parmi les arguments de l'autorisation de la chose qui fait l'objet de différends entre les savants, du moment qu'il y a ikhtilaf, donc il est licite. Et il a dit, il a dit quand parfois on énonce au sujet d'une question une fatwa prohibitive, on nous réplique pourquoi tu juges que c'est interdit. Il dit que parfois on énonce au sujet d'une question une fatwa prohibitive, on nous réplique pourquoi tu juges que c'est interdit alors que la question fait l'objet de divergences entre les savants, faisant ainsi l'ikhtilaf. De l'ikhtilaf comme un argument de l'autorisation de la chose pour le simple fait qu'elle fait l'objet de divergences qu'elle fait l'objet de divergences entre les savants. Il dit dans la page suivante dans son livre Al-Muwafaqat, il dit le conteste à propos du contestataire, il dit la divergence est miséricorde. Et peut-être qu'il blâmera violemment celui qui s'est attaché à la vie célèbre, ou la vie qui est en accord avec la preuve scripturaire, avec la révélation, ou la vie le plus solide aux yeux des savants qui examinent minutieusement les traditions et les doctrines. وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر. Il a dit, peut-être qu'il blâmera sévèrement celui qui s'est attaché à la vie célèbre, ou la vie qui est en accord avec Dalil, ou la vie le plus solide aux yeux des savants qui examinent minutieusement les traditions et les doctrines, et que la majorité des musulmans adoptent. Et il dit, tu as rendu étroit ce qui est large. Il a dit, de cette manière, tu as mis les gens dans une situation gênante. Or, la religion n'impose aucune gêne à l'homme. Il raconte des arguties de ce genre. Il décrit, rahimahullah, la société dans laquelle il vivait. Il dit que les gens sont devenus moins scrupuleux. Il a dit la société dans laquelle je vivais, il a dit les gens sont devenus moins scrupuleux. Et il y a plus de désirs concupiscents qui se sont multipliés. Tout le monde se hasarde à émettre des fatwas exactement comme notre époque. Aujourd'hui, pour prouver que les gens suivent leur passion, quand ils veulent connaître le hukm sur une question, ils ne vont pas interroger un savant connu pour sa piété et son savoir. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce n'est pas la peine de l'interroger, nous savons déjà ce qu'il va dire. Ah bon? Vous savez déjà ce qu'il va dire? Subhanallah. يقول الله جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah, l'homme sait ce qui s'agite en lui-même, même s'il se répand en excuses, même s'il dit des excuses, il sait ce qu'il fait comme péché. Dans leur fort intérieur, ils savent que l'acte qu'ils veulent entreprendre est illicite. Ce sujet des licences, des rukhas, est en étroite relation avec le taqlid et le tamadhub. Parce que la plupart de ceux qui soulèvent ce problème sont les muqallidin, les imitateurs, et ceux qui s'attachent inconditionnellement à un madhab. Ils controversent et ils contestent. Ils protestent contre quiconque leur reproche leur laxisme et leur tolérance extrême dans l'adoption des licences des savants sans aucun critère. Ils exercent une sorte de pression psychologique du genre « Qui tu es pour t'opposer au grand imam? Est-ce que tu es plus savant que lui, plus pieux que lui? Ne reconnais-tu pas le mérite de ces grands imams ?» Et ils n'ont que cette oppression psychologique. Ils n'ont pas d'arguments solides. Que ce genre de... Ils jouent à ce jeu-là. Et tout ce que je dis depuis le début réfute leur agruti et leur shubuhat. Alhamdoulilah, nous avons le consensus des savants, y compris de l'imam, dont ils se réclament sur l'interdiction de suivre les licences des savants. L'infaillibilité n'appartient qu'à notre prophète. Tout le monde peut se tromper, tous les savants, y compris les savants. Les savants peuvent se tromper. Il a rapporté qu'Omar ibn Khattab a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a trois choses qui détruisent la religion. L'erreur du savant, le fait que l'hypocrite se serve du Coran pour controverser et les imams corrupteurs. Et il est rapporté également qu'Ibn Abbas a dit: malheur aux disciples des faux pas des savants. Souvent d'ailleurs, on impute aux imams des paroles qu'ils n'ont pas dites, sans parler des interprétations erronées de leurs propos. Il y a des disciples qui disent que l'imam Abu Hanifa a dit telle chose, et donc cela implique nécessairement telle chose, comme la prononciation de la formule marquant l'intention, Talafuz minni, à qu'ils attribuent à l'imam Shafi'i. Ils disent que l'imam Shafi'i, il soutient la thèse qui dit qu'il faut prononcer niya, la formule marquant l'intention. Ils attribuent ça à Shafi'i. Mais qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafi'i à propos de la prière? Il a dit innaha laysat kassiyam wa la yadkhulu fiha. Il a dit la prière n'est pas comme le jeûne et on ne peut entrer en prière qu'en faisant le dhikr. Le dhikr ici, comme a dit Ibn al-Qayyim dans I'lam Waqi'in, c'est le takbir de sacralisation. Si tu as le takbir, tu dis Allah, comment tu entres dans la prière? Contrairement au jeûne, tu ne vas pas dire un dhikr. Mais certains chafiites, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris le dhikr par la prononciation d'une formule marquant l'intention. Ibn Qayyim, rahmallah, il a dit: comment imaginer chafiite recommande quelque chose que le professeur sallam n'a pas fait, ne serait-ce qu'une seule fois? Le professeur n'a jamais prononcé la niya. Aucun de ses compagnons ne l'a fait. Et eux, ils attribuent ça à l'imam Shafi'i. Cher frère, quel est l'acte cultuel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait régulièrement? La prière, bien sûr. Il pratiquait la prière quotidiennement, jour et nuit. Durant toute sa mission, il priait jusqu'à sa mort. Mais pas un seul compagnon ne nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé l'intention. Et subhanallah, un mal entraîne un mal plus grand. La prononciation de l'intention, il a ouvert la porte du waswas. Tu vois les pauvres fidèles en train de répéter l'intention, Satan leur susurre. Il leur dit: ah, vous n'avez pas encore affirmé l'intention. Vous n'avez pas encore affirmé l'intention. Et les pauvres souffrent. Je vais faire la prière du Dohra, etc., etc., dans le Jama'a, dans la mosquée. Allah, non, non, non, je vais répéter l'intention. Subhanallah. Waswas, ça leur a ouvert le waswas. Bon, je ne veux pas m'étendre sur cette question. J'ajoute seulement que certains objectent, ils disent, dans le pèlerinage, alors on prononce l'intention, l'intention de faire le pèlerinage ou la Umrah. Je réponds: qu'est-ce qu'on dit avant de faire le pèlerinage ou la Umrah? Qu'est-ce qu'on dit? On dit labbayk, labbayk hajj, labbayk Umrah. Ce n'est pas une prononciation, la prononciation de l'intention. Ça, c'est une talbiya. Ils n'ont pas une prononciation d'une formule marquant l'intention. On dit labbayk, je veux faire le hajj. Labbayk, c'est-à-dire, on ne dit pas je veux faire, j'ai l'intention de faire, mais on dit labbayk hajj, c'est une talbiya, me voici prêt à faire le hajj. Oui, je disais qu'on impute aux imams des propos qu'ils n'ont pas dit. On ment sur leur compte. L'imam Ahmed ibn Rajab, il rapporte dans Fath al-Bari, parce qu'Ibn Rajab aussi il a fait Fath al-Bari. Il y a Ibn Hajar al-Asqalani, son propre livre Fath al-Bari. Ibn Rajab aussi, il a fait Fath al-Bari, dans lequel il explique le Sahih al-Bukhari. Ibn Rajab, il a dit qu'on a attribué à l'imam Ahmed l'avis qui dit que le lavage n'est exigible que s'il y a éjaculation. On attribue à l'imam Ahmed cette parole. Il dit que l'imam Ahmed il dit que le lavage n'est exigible que s'il y a éjaculation, alors que lors d'un rapport sexuel, le contact des parties intimes exige le lavage sans éjaculation. Et on a dit, on lui attribue de son vivant cette parole. Et il a nié, il a dit, je n'ai pas dit cela. Et on lui dit, il nous est parvenu que tu l'as dit. Et Ahmed, il a dit, Allahu al-musta'an, mais yakzibu alayya fi hadha akthara min dhalik. Il a Allah den m'aider. Ce n'est pas la première fois qu'on rapporte à mon compte des propos mensongers. On dit des choses plus graves que ça. L'imam Malik aussi, des choses graves comme le fait d'avoir les rapports sexuels avec sa femme dans son fondement, alors que Malik l'interdit. Formellement, on joue avec ce genre de choses pour autoriser certaines choses aux gens du commun. Bon, d'où la nécessité, bien sûr, du muhaqqiq et du muharrir, comme j'ai dit dans les séances précédentes. Dans chaque madhab, il y a des muhaqqiqin et des muharriri. Les muhaqqiqin, Ben, ils font le tri des traditions qui remontent authentiquement au l'imam du madhhab ou aux autres. Et le muharrir, bon, il éclaircit la parole, il te donne la tendance de l'imam. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette parole? Ou l'avis vers lequel il penche. Bien sûr, il y a d'autres justifications des adeptes des licences. Ils disent le fiqh est affaire de présomption, et puisqu'il n'est que conjecture et que tous les savants conjecturent, donc rien n'est sûr. Alors moi, je peux choisir l'avis que je veux. Et comme je vous l'ai dit dans les leçons précédentes, cette choubha est étrangère à l'islam. Elle a été introduite par les théologiens qui s'inspirent de la philosophie grecque. Autre choubha, ils disent, est-ce que tout mujtahid est dans le vrai ou un seul est dans le vrai? Donc, ceux qui voient qu'il est permis d'adopter les licences et les tolérances des savants sans restriction jugent que tout mujtahid est dans le vrai auprès d'Allah, qu'il tombe juste dans le hukm. Et c'est ce qu'a dit un des cheikhs shafi'ites à Ibn al-Munayyir, savant Malik. Ibn al-Munayyir, c'est un savant malikite, comme le rapporte l'imam Zarkashi, le savant shafi'ite, dans Bahr al-Muhit. Ce cheikh a dit à Ibn al-Munayyir, qu'est-ce qui empêche de suivre les licences alors que nous soutenons que tout mujtahid est dans le vrai, sans identifier exactement lequel est dans le vrai? Que tout cela fait partie de la religion d'Allah et que tous les savants sont des prédicateurs qui appellent à la voix d'Allah. Et là, Ibn al-Munayyir rajoute, il a dit, ce mufti était tellement compatissant à l'égard des gens du commun que lorsque quelqu'un commet une parjure, un faux serment et qu'il se rétracte, il examine sa situation. S'il voit qu'il a commis un parjure selon le madhhab shafi'ite et qu'il faut qu'il fasse un acte, une œuvre expiatrice, et ne l'a pas commis selon le madhhab malikite, il dit à Ibn al-Munayyir qui est malikite, donne-lui la fatwa. Et comme j'ai dit, la vérité est une auprès d'Allah, et elle n'est pas nombreuse. Un seul mujtahid est dans le vrai, un seul. Celui dont la vie est en accord avec le Coran et la Sunna, c'est celui-là qui est dans le vrai. C'est ce que soutiennent les quatre imams et la plupart des savants. Le professeur Salam a dit, si un juge donne sa sentence en exerçant son ijtihad et tombe juste, il aura droit à une double récompense. S'il juge en exerçant son ijtihad mais se trompe, il aura droit à une seule récompense. C'est bon? Donc, un seul est dans le vrai. Cette choubha, tout mujtahid est dans le vrai, c'est une choubha qui a été introduite par qui? Par les Mu'tazila. Elle a été adoptée par les Asha'ira comme Abul Hassan Ash'ari, al-Baqillani et d'autres. Et cet avis est faux. Comme le dit le savant Abu Ishaq Shirazi. Ces choubhas ont été apportées par les Mu'tazil. Attention, ces choubhas sont utilisés aujourd'hui par les muftis. Ils se fondent sur ces choubhas. Pour vous dire que cela ne date pas de longtemps. Il ne faut pas. Certains vont se dire qu'est-ce qu'il a à nous raconter, à nous parler des Mu'tazilites alors que c'est une secte révolue. Je dis non, le Mu'tazilisme existe aujourd'hui. Les chiites sont des Mu'tazilites dans le dogme et dans le monde sunnite aussi. Il y a des Mu'tazilites, ils adoptent beaucoup d'idées des Mu'tazilites anciens. Ils critiquent les compagnons comme Abu Huraira, comme Al-Nazzam Al-Mu'tazili, Abu Al-Hudayl Al-Allaf, les anciens Mu'tazilites aussi critiquent Abu Huraira, eux aussi ils le critiquent. Ils remettent en cause l'authenticité du Sahih Al-Bukhari, du Sahih Muslim. Aujourd'hui ils le font. Ils mettent en avant la raison par rapport à la religion. Ils soumettent les textes de la révélation à leur intellect. Enfin, ce n'est pas la raison claire, mais juste à leur passion, comme les Mu'tazilites d'ailleurs. Il donne une autre définition de l'ijma. Il exagère dans l'utilisation du qiyas. Ils font ce qu'on appelle le qiyas abusif. Ils rejettent les hadiths ahad. Ils disent que le fiqh est affaire de conjecture. Ils ressuscitent toutes les arguties fallacieuses des mu'tazilites anciens, comme la choubha que je viens de citer, à savoir tout mujtahid est dans le vrai. L'un d'entre eux, qui s'appelle Mohamed Husni Uthman, un égyptien, il a écrit un livre, Idées progressistes dans la pensée islamique. Et dans ce livre-là, Idées progressistes, le titre, Idées progressistes dans la pensée islamique. Il a réuni dans ce livre tous les avis aberrants et marginaux des savants. Il y a réuni toutes les erreurs des savants. Et l'un des cheikhs de l'Azhar aussi, au 19e siècle, c'est-à-dire fin du 13e siècle de l'Égypte, il y a un siècle, Mustafa al-Marari, il a dit au conseil de droit, c'est-à-dire quand ils ont voulu changer la charia d'Allah, il a dit, mettez n'importe quelle loi que vous considérez qu'il correspond à l'intérêt général et à la réalité aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui, et je suis prêt à élaborer sous forme d'un avis, d'un des avis des quatre madhabs ou d'autres madhabs. Je suis prêt à lui donner un vêtement madhabiste, à lui donner un caractère normatif, un caractère religieux. Les fatwas bizarres qu'on entend aujourd'hui, quand les pseudo-mouftis les mettent, ils les appuient sur des preuves. Mais quelles preuves? Des choubouhats. Soit une interprétation falsificatrice d'un texte, soit un avis erroné d'un savant, soit ils appliquent une règle juridique sans restriction, sans respecter ses critères. C'est comme ça, ils se basent sur des choses comme ça. Donc il ne faut pas s'étonner par la suite quand vous entendez qu'un moufti autorise de fumer la cigarette au jour du Ramadan, ou d'autoriser l'imamat de la femme, ou qu'elle a le droit de présider la prière des hommes, de serrer la main à une femme étrangère, voire de l'embrasser. Hein. Ils oublient ces mouftis-là qu'ils parlent au nom d'Allah. Ils signent à la place d'Allah. Donc en cas d'irtilef, je le dis, je le répète, il faut revenir au Coran et à la Sunna, à la vie qui est proche d'un texte révélé. Allah a dit, si vous vous disputez au sujet de quelque chose, remettez l'affaire à Allah et à l'envoyé, si vous êtes croyant à Allah et au jour dernier. Cela vaut mieux et c'est ce qu'il y a de meilleur comme retour aux sources. Dans surat An-Nisa, « Fa in tanaza'tum fi shay'in, farudduhu ila Allahi wal rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khayrun » aux musulmans de craindre Allah, d'éviter les fatwas étranges qui suscitent l'étonnement. Certains fatwas suscitent l'étonnement même du commun des gens. Les gens ils ne connaissent même pas le mode d'argumentation ni les madhahib, mais musulmans illettrés, incultes, sait que cette fatwa elle est étrange, elle est bizarre, elle n'est pas conforme à la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka » Laisse ce qui t'apparaît douteux au profit de ce qui ne l'est pas. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Inna al-halal bayin wa inna al-haram bayin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas » Les choses licites sont bien évidentes et les choses illicites sont bien évidentes. Entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ignorent. فَمَنْ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ Ainsi, quiconque se met à l'abri des choses équivoques préserve sa religion et son honneur. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ Et quiconque s'est laissé tomber dans des choses équivoques tombera dans ce qui est illicite. Il a donné l'exemple comme le berger qui fait paître son troupeau dans un enclos réservé, risquant à tout moment de l'empiéter. Or, chaque souverain a un domaine réservé. Or, celui d'Allah, le hima d'Allah, le domaine d'Allah et l'ensemble de ses injonctions sacré et l'ensemble de ses interdits. Ala wa inna fil jasad la mudra idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, si il est bon, le corps le sera, et s'il est corrompu, tout le corps le sera. Ala wa huwa al qalb, n'est-ce pas que c'est le cœur? Hadith rapporté par le Bukhari Muslim. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Al-birru husnul khuluq wal-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayyattali alayhi nas » Il a dit la piété consiste en la haute moralité, le mal est ce qui met ton âme dans l'embarras, c'est la conscience, et qu'il te répugne que les gens découvrent en toi. Donc, sachez que quand tu tombes malade ou quand Oui, quand tu tombes malade, tu ne te contentes pas de n'importe quel médecin, mais du médecin intègre, digne de confiance, compétent. Hein? Voir le meilleur médecin du quartier ou de la ville. Ou... Donc, une maladie organique, physique. Et pourtant, tu fais tout cet effort. Qu'en est-il de la chose dont dépend ton sort dans l'au-delà? A fortiori, tu dois, bien sûr, chercher le meilleur savant et le savant le plus pieux. Quand tu es devant une divergence d'opinion et tu hésites, invoque Allah et demande-lui de te guider vers la bonne voie. Écoutez ce que disait le professeur Salim quand il entrait en prière au cœur de la nuit. Il dit Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, 'alim al-ghayb wa ash-shahada, anta tahkumu bayna 'ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq bi idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ô mon Dieu, Seigneur de Jibril, de Mika'il, d'Israfil, créateur intégral des cieux et de la terre, connaisseur du mystère, Ghaib, et du monde apparent, toi qui juges entre tes serviteurs ce sur quoi ont porté leur divergence, guide-moi par ta grâce vers la vérité au sujet de laquelle les autres divergent. Guide-moi. Tu demandes à Allah de te guider vers la voie de rectitude. Celui qui cherche la fatwa doit, premièrement, il doit chercher par sa fatwa la vérité et doit agir en fonction de cette vérité. Il ne doit ni suivre les tolérances ni sa passion. Deuxièmement, il ne doit demander que celui qu'il sait qu'il est qualifié pour dispenser la fatwa, le pli digne de confiance. Troisièmement, il doit décrire en détail sa situation. Attention, il y a des gens qui rusent pour avoir la fatwa qui leur plaît. Quatrièmement, il doit écouter attentivement la réponse du mufti et la comprendre parfaitement. Il ne doit pas prendre une partie de la fatwa et rejeter le reste. Les gens, attention, ils font ce genre. C'est bon? Vous avez compris tout cela? Je parle bien de la licence issue d'une opinion qui ne se fonde pas sur des arguments solides. Une opinion bizarre, marginale, qui n'est pas tenue en considération dans le khilaf. Si la licence en question a un bien fondé, écoutez bien, si par contre la licence en question a un bien fondé dans la religion et que le besoin de cette ruhsa se fait sentir et cette ruhsa elle repousse une difficulté que la religion considère comme une difficulté et qu'elle ne ferait pas un chemin vers un acte préjudiciable ou un acte illégal, et si celui qui interroge son âme accepte cette ruhsa, c'est-à-dire que ça ne lui pose pas de problème de conscience, dans ce cas, oui, dans ce cas, il peut prendre cette ruhsa. À condition aussi que le questionneur, le mustafti, soit quelqu'un d'honnête et de sincère. Le mufti peut accorder une licence sous les conditions précitées que j'ai citées là, pour faire sortir le questionneur du problème dans lequel il se trouve. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la parole de l'imam Soufyan al-Thawri. Il a dit « Innama al-ilm 'indana ar-rukhsa » La science, après nous, c'est la tolérance, c'est la licence. C'est ar-rukhsa min thiqa, c'est la tolérance accordée par un savant digne de conscience. Et il a dit « Quant à la rigueur, sachez que tout le monde sait faire preuve de rigueur. » Donc ça c'est... Donc oui pour la ruhsa, mais une ruhsa qui est bien fondée. Mais quant à la ruhsa qui ne se base sur aucun dalil, ça non, il faut pas le... Bon. Ainsi se termine cette série de leçons. Bon, j'espère que quiconque a entendu ces leçons-là, on tire profit. Ben, toute erreur vient de moi et de Shaitan, et toute chose dans laquelle j'ai raison, c'est par la grâce d'Allah. Et Allah et son envoyé sont exempts de toute erreur. Inch'Allah, j'espère que ça vous a apporté quelque chose de nouveau, ça vous a aidé, ça vous a mis quelques repères. Bon, la prochaine fois, inshallah, dans une autre série, bi'idhnillah. Subhanak Allahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.